Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors, que j'ai intitulé « Contre-à-court ». De quoi s'agit-il ? Bien sûr, des CDD qui sont extrêmement nombreux en France. La précarité augmentant au fur et à mesure des années. J'y viendrai tout à l'heure, le problème quand même que... La majorité actuelle, Macron a donc augmenté la précarité, mais j'y viendrai tout à l'heure. Voilà, alors j'ai découvert un article de Libération qui parle justement des contre-à-court. Et de dire, cela représente une belle pile de paperasse. Au cours des 10 dernières années, Nicole Durot Pouchtavik a travaillé successivement pour 3 traiteurs de la région parisienne. Mais sur la période, le chef cuisinier, tout juste 40 ans, a signé des centaines de contrats, autour de 2500, estime-t-il, soit un pour chaque journée de travail, souvent même 2 par jour lorsqu'il enchaînait 2 missions. Des contrats d'usage, plus exactement, appelés aussi « extra ». Ces CDD sont réservés à certains secteurs dans la restauration, Leur but, permettre aux employeurs d'embaucher temporairement du renfort sans payer de primes de précarité. Sauf que, souvent, le temporaire dure. Mais la situation de ces salariés permittants, qui alternent CDD et chômage, reste précaire. Lui parle de contrat d'usure. Après un burn-out, il dénonce un esclavage moderne. Il raconte les appels de dernière minute, les doubles journées au cours desquelles la durée du travail journalière maximale, 11 heures pour les cuisiniers, est largement dépassée. Les pauses pour pisser, ça n'existe plus. Pour tout faire, on doit arriver une heure avant, en avance, raconte Nicolas. Une heure de travail gratuite, puis c'est la course. Décharger le matériel, l'installer, cuisiner, gérer le personnel et relations clients. Les heures supplémentaires sont légion, mais pas majorées. Pour 6 heures de travail, il empoche 80 euros net. Et encore, j'allais dire, c'est en région parisienne. Chez nous, c'est encore pire. Faire des extras, au départ, était pourtant un choix. Je voulais plus de flexibilité que dans la restauration classique. Et j'aimais le défi de ces missions, explique le chef. Mais cette liberté a des limites. Refuser un contrat, c'est risquer de ne pas être appelé. Mieux vaut faire profil bas, malgré la dégradation des conditions de travail. Un hiver, on travaillait sous les tentes, il faisait 0 degré et j'ai osé demander des chauffages. La semaine suivante, on ne m'a pas donné de mission. Les choses se gâtent encore lorsqu'ils demandent un CDI. Après 5 ans de mini-CDD chez un troisième traiteur, et alors qu'il réalise presque l'équivalent d'un temps plein, il réclame ce sésame, synonyme de sécurité professionnelle, de sérénité. Résultat, ils ont baissé mon activité, puis ils m'ont mis à la porte. Rebelote plus tard, chez un second employeur, même requête d'un CDI, même coup de balai. Un troisième, avec insistance, lui suggère de devenir auto-entrepreneur, puis lui impose de baisser ses tarifications. Face à ce salariat déguisé et ce chantage à l'emploi, il finit par jeter l'éponge fin 2018. En 10 ans, Nicolas Durot Pouchtachevich assure n'avoir vu qu'une fois un médecin du travail, uniquement parce que cela avait été exigé par un client dans le cadre d'une prestation. Le matin, on est à un endroit, le soir à un autre, mais on n'apparaît nulle part. Même pas sur les registres du personnel, car tous les jours, on est licencié. Même les syndicats ne nous connaissent pas pour être cuisinier. Autre galère, il n'a jamais réussi à se faire indemniser un arrêt de maladie. J'ai envoyé 84 fiches de paye à la Sécu, mais mon employeur n'a pas complété l'attestation, arguant que je ne faisais pas partie de l'effectif de l'entreprise, que j'étais au chômage. Au chômage, il l'était en effet, du moins au sens Pôle emploi, qui le classait alors dans la catégorie C des demandeurs d'emploi, celle regroupant des personnes en activité réduite de plus de 70 heures par mois. Lui dépassait largement ce plancher. Libo au mois, il tournait à 250 heures de travail. Bien suffisant pour ouvrir des droits pour l'emploi et bénéficier d'allocations, notamment pendant les mois creux, l'été. En 2017, il en a eu plus de 25 000 euros nets de salaire perçu encaissé, 6 000 euros d'allocations. Je n'ai aucun complexe à avoir perçu cet argent. À Paris, il n'y a pas moyen de vivre avec des salaires de la restauration. Surtout quand, comme moi, on est père célibataire et qu'il faut financer un mode de garde. Le soir et les jours fériés, explique Nicolas. Sans complexe, il n'est pas moins critique contre ce système d'assistance qui permet aux employeurs de disposer de bras pas chers et dociles. Lui réclame de meilleurs salaires, la sécurité de l'emploi, une véritable couverture sociale. Et ne croit pas au bonus-malus, cette modulation des cotisations sociales des employeurs pour limiter le recours au CDD. C'est une bêtise. En 2012, une surtaxe similaire a été instaurée. En fin de chaîne, les employeurs ont répercuté les coûts sur les salaires en réduisant le nombre d'intervenants ou les heures payées. Et une fois de plus, les permittants ont été les maltraités du système. Voilà cet article, ce témoignage, je tenais à vous commenter, en sachant bien que c'est un article qui a été publié dans Libération, enfin ce témoignage a été donc publié dans Libération, en sachant bien que de toute façon, le gouvernement actuel a effectivement favorisé cette précarité, puisque aujourd'hui, les CDD peuvent être... Ne sont plus requalifiables automatiquement avec la loi travail XXL. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un système qui permettait, si l'employeur, dans les deux jours, les 48 heures, n'avait pas fait le nécessaire au point de vue contrat de travail, le contrat était requalifié en CDI. Cette loi travail, donc, a modifié les choses, puisque aujourd'hui, le patron n'encourt plus qu'une sanction financière dérisoire par rapport à ses CDD à répétition. Autre chose, et contrairement à une légende qui est répandue par la presse, j'allais dire, les gens n'ont droit au chômage qu'à partir du moment où ils ont 4 mois d'activité. C'est-à-dire que si les droits au chômage ont été enregistrés pour une personne, c'est parce qu'elle avait travaillé auparavant et donc avait ouvert des droits au niveau de Pôle emploi. Il faut bien savoir qu'il y a 4 mois. Donc, quelquefois, tous ces contrats courts ne donnent pas droit au chômage, sinon par cumulation de contrats. Voilà ce qu'il fallait dire. Et je pense quand même que là, le gouvernement actuel, avec Macron, avec sa loi travail XXL, a contribué largement à développer cette précarité. Cette précarité qui masque en fait le chômage. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.